Chapitre 3e. Elisa était seule dans son coin favori du salon, auprès de la fenêtre, fermée à cause de la pluie qui commençait à tomber. La matinée avait été étouffante. Maintenant, on avait presque froid. Au ciel tout gris, pas un nuage, pas un souffle qui pût agiter une seule feuille des grands arbres, ni détacher le pétale d'une fleur. Massimo était allé en ville, d'où il devait revenir le lendemain avec des amis. Elle pensait à lui tout en travaillant à une broderie qu'elle lui destinait. « C'est ennuyeux tout de même, se disait-elle, qu'il ne puisse revenir ce soir. Je dînerai seule, ce qui est bien maussade. » Puis, se rappelant tout à coup qu'elle avait une lettre à écrire, oubliée depuis la veille, elle quitta son travail et s'assit à un petit bureau. Elle venait de tracer ces mots, samedi 8 avril, en haut de la page, lorsque la cloche des visites retentit. Elisa prêta l'oreille, étonnée, l'œil fixé sur la porte. Elle s'était déjà levée quand un domestique entra, portant sur un plat d'argent une carte et une lettre. « Un monsieur est là qui demande si Madame la Marquise peut le recevoir. » Elle lut machinalement sur la carte « Carlo Orlandi » et ce nom ne lui rappela rien. La lettre était de la comtesse Goffredi, deux lignes de recommandation qu'elle parcourut d'un œil rapide. « Faites entrer ce monsieur. » Le domestique sortit et revint quelques instants après suivi de l'étranger qui, du seuil, salua profondément. C'était un vieux personnage d'apparence joviale dont la silhouette ne manquait pas d'un côté comique, tandis que la figure, une bonne figure large et rougeaude entourée de gros favoris blancs, exprimait une gaieté tranquille, une grande indulgence pour tout le monde et un très grand contentement de lui-même. Sa bouche s'ouvrait, largement fendue. Sous un nez un peu épaté, des sourcils très épais, abritaient de tout petits yeux gris, remplis de bonhomie et de malice à la fois. Une forêt de cheveux coupés en brosse et d'un blanc argenté couvrait la tête énorme. Petit et gros, il portait un pantalon gris perle, des bottes luisantes, un surtout noir et un gilet en velours marron à petites fleurs rouges, sur laquelle s'étalait une lourde chaîne d'or, d'où pendaient des cachets qui battaient son ventre respectable. Dans la main droite, il tenait son chapeau, ses gants et une canne. « Madame la marquise, dit-il d'une voix essoufflée, excusez-moi si je me présente avec si peu de cérémonie. La comtesse, qui a eu la bonté de me donner cette lettre, m'a aussi chargé de vous porter ceci. » Et il offrit un petit paquet cacheté à Elisa. C'était un bijou qu'Elisa attendait en effet. Elle le regarda un instant, le posa sur un guéridon, en disant « Veuillez vous asseoir. » « C'est bien aimable à vous de vous être dérangé pour si peu. » En même temps, elle observait son interlocuteur, dont la visite lui semblait étrange, ou plutôt inutile, et qui, de son côté, continuait à souffler. Il s'assit lourdement sur un fauteuil, qu'il changea de place pour ne pas avoir la lumière dans les yeux, et quand il eut un peu repris haleine, il répondit « Oh, madame, bien heureux. La comtesse Goffredi a toujours été très bonne pour moi. Vous la connaissez depuis longtemps. » Oh oui, madame la marquise, je l'ai connue toute petite. Je l'ai vue hier. Je suis allée exprès lui demander un mot pour me présenter à vous. Elle m'a chargé de tous ses compliments. C'est une bien aimable dame, et ma foi, bien jolie, ajouta-t-il en riant tout à coup. Il était visiblement embarrassé, mais après une pause, il continua. Figurez-vous, madame la marquise, que je suis à Florence depuis quelques jours. J'avais absolument besoin de vous voir. Mais comment me présenter chez vous sans avoir l'honneur de vous connaître? La difficulté me parut d'autant plus grande quand j'appris que vous étiez à la campagne et que vous y viviez très retiré. Et ce qu'il y a de plus drôle, c'est que j'avais déjà vu la comtesse plusieurs fois sans songer à m'adresser à elle. Ce fut elle qui, par hasard, vous nomma. « Vous connaissez la marquise d'Astorre ?» m'écriai-je. « C'est ma meilleure amie, » me répondit-elle. « C'est vrai, et je la remercie de le dire tout haut. Recommandé par elle, vous ne pouviez douter d'être bien reçu. » Le vieux monsieur continua à causer, s'embrouillant un peu, ne sachant décidément comment dire au fait, parlant d'une façon diffuse, comme quelqu'un qui n'est pas pressé. Pendant ce temps, Elisa, s'apercevant qu'elle avait affaire à un excellent homme, un peu original mais pas déplaisant du tout, l'écoutait et se demandait « Où va-t-il en venir ?» un peu ennuyé encore d'avoir été troublé dans sa solitude, un peu amusé par les manières et le bavardage de l'inconnu. C'était un homme très riche, on le voyait tout de suite et du reste, il ne laissait pas longtemps ignorer cette circonstance, car il parlait volontiers de sa fortune. Il entretint Elisa de plusieurs achats qu'il venait de faire chez un antiquaire qu'il prétendait avoir déniché, entre autres choses, d'une coupe ciselée par Benvenuto, qui lui coûtait 50 000 francs. Il s'enhardit jusqu'à lui parler de deux chevaux alezans qu'on voulait lui vendre, mais en ajoutant qu'il se méfiait, ne s'y connaissant guère. Puis il s'arrêta et il eut un silence. Elisa, un peu embarrassée, elle aussi, cherchait un sujet de conversation, mais au moment où elle était sur le point de lui adresser une question sur Madame Goffredi, il dit tout à coup, tâchant de prendre un air dégagé, « Pardon, Madame la Marquise, vous souvenez-vous d'un ami d'enfance qui s'appelait Giulio Bardi ?» Elisa sentit tout son sang se précipiter au cœur, elle pâlit horriblement. Jamais, comme en cette minute, elle n'avait eu besoin de toute sa force, de toute sa science de dissimulation. Elle sut arrêter le tremblement qui s'emparait de son corps et ce fut d'une voix presque assurée qu'elle répondit après un instant « Certainement, le connaissez-vous? Je suis son oncle. » Une lueur se fit tout à coup dans l'esprit d'Elisa. Elle se rappela ce nom d'Orlandi qu'elle avait parfois entendu prononcer jadis, un siècle auparavant, là-bas, dans la petite maisonnette au bord du lac. Maintenant, elle enveloppa son interlocuteur dans un seul regard rempli d'une curiosité intense. Elle était calme. Seulement, tout en le regardant, tandis qu'il parlait toujours de sa façon prolixe, elle ne parvenait pas à fixer son attention, et parfois des phrases entières lui échappaient. Elle contempla pendant quelques minutes la chaîne d'or du vieux monsieur et les petites fleurs rouges de son gilet. D'un long discours qu'il lui fit, où il mêla la narration de son voyage à l'histoire d'un procès qu'il avait commencé à Londres contre un marchand de tableaux, et la comtesse Goffredi à son neveu. Elle n'entendit que ces mots « Giulio est arrivé avec moi à Florence » et elle les entendait toujours, tandis que M. Orlandi avait déjà entamé trois nouveaux sujets. Elle finit cependant par prêter toute son attention. « Oui, Madame la Marquise, » disait M. Orlandi, « si vous le voulez bien, je vous raconterai la simple histoire des années qu'il a passées avec nous à Calcutta. Et d'abord, croyez que tout le bien que je pourrais dire de lui ne sera jamais que la moitié de ce qu'il mérite. Ce n'est pas seulement un brave garçon, c'est un homme comme il n'y en a pas. On pourra me croire aveuglé par un amour paternel. Non, madame, je vous assure, je l'aime comme s'il était mon fils, c'est vrai, mais il ne serait pas même mon neveu que je n'en parlerais pas autrement. Du reste, tous ceux qu'il connaît sont là pour me donner raison. Pourquoi faut-il qu'il ne soit pas heureux, lui, qui mériterait tant de bonheur? Tenez, madame, j'aurais bien des choses à vous dire si j'osais vous parler à cœur ouvert. Et je regretterais certes bien amèrement de devoir partir sans l'avoir fait, étant venu exprès pour cela, mais jamais je n'y arriverais si vous ne me dites pas que vous me le permettez, si vous ne m'encouragez pas un peu. Dites, monsieur, parlez librement, et soyez sûr que vous m'intéressez. Merci. Eh bien, avant tout, laissez-moi vous dire que je vous estime et que je vous approuve d'avoir su trouver pratiquement le bonheur, de n'avoir pas sacrifié toute votre vie à un rêve irréalisable, comme mon stupide neveu, que j'adore, mais qui, en cela, est un fou. Je prends courage car, permettez-moi de vous le dire, vous m'inspirez une grande sympathie, et il me semble que je vous connais depuis longtemps. C'est vrai, d'ailleurs, en un certain sens. Oui, je prends courage, puisque je vois que vous êtes aussi bonne qu'on me l'a toujours dit. Si vous saviez comme Giulio a lutté vaillamment à travers tous les obstacles, et à quel prix il a gagné la belle position qu'il occupe maintenant, et qui toutefois le réjouit si peu. Si vous saviez à quel point il a dans le temps travaillé pour retourner en Europe, et avec quelle force de caractère il a continué à travailler même lorsque le but avait disparu, et qu'il continuait sa besogne seulement pour supporter sa douleur comme un homme. Elisa n'était plus pâle maintenant, mais elle respirait difficilement. Elle posa une question d'une voix très basse. « Et comment eut lieu son mariage ?»« Quel mariage ?»« Ah oui ! Le bruit qu'on a fait courir de son mariage avec la belle Madame Harris, la veuve du général, c'est faux. »« Impossible ! Je l'en ai parlé moi-même dans mes lettres. Il ne m'a jamais contredite. Voulez-vous que je vous dise toute la vérité ? Oui. C'est Madame Valenti qui l'a exigé de lui. Mais qui a pu le forcer à mentir ? Il n'a pas menti, Madame la Marquise, mais il a consenti à ne pas nier. C'est aussi par mon conseil qu'il a agi ainsi. Et n'était-ce pas juste ? Pouvait-il permettre que vous l'attendissiez toute votre vie ? Sans ce mensonge, vous auriez voulu aussi garder inutilement vos promesses, et peut-être ne vous seriez-vous jamais décidé à être heureuse comme vous l'êtes maintenant. En parlant de son neveu, M. Orlandi trouvait un langage plus clair, plus précis, et pouvait devenir presque éloquent. Il continua sans qu'Elisa songeât à l'interrompre. Il raconta comment Giulio, à Calcutta, s'était mis à la tâche avec courage et persévérance, travaillant du matin au soir, plein d'un espoir qui perçait sous sa mélancolie habituelle, aimé de tous, adoré dans la famille, estimé par les ouvriers. Tout en ne négligeant aucun de ses devoirs, il étudiait sans cesse et fut bientôt capable d'occuper dans la fabrique une place assez élevée. Jamais on n'avait vu un jeune homme de son âge montrer une telle force de volonté. Son oncle lui accorda alors ce qu'il avait déjà fait pour ses propres enfants, qui, au nombre de 4, étaient aussi employés dans ses bureaux. Il l'associa aux bénéfices tout en élevant son salaire. Giulio était comme pris par la fièvre du travail, car il allait droit devant lui, résolument, ne permettant pas aux obstacles de ralentir sa marche, l'œil fixé sur le but lumineux qui l'empêchait de sentir la fatigue. Mais une tentation se présenta à laquelle il ne put résister. Un de ses camarades de bureau lui offrit de l'associer à une spéculation chanceuse, mais qui, en cas de succès, décuplait leurs modestes capitaux. Déjà, l'ami de Giulio avait réalisé une partie des bénéfices. Celui-ci comprit tout d'abord qu'il n'avait pas le droit de tout risquer ainsi sur un coup de dé, mais peu à peu la pensée qu'il pourrait peut-être, en un mois, mettre fin à son incertitude, à toutes ses angoisses, retourner en Italie et épouser celle qu'il aimait, l'obséda tellement qu'il finit par céder aux instances de son ami. Qu'on juge de son désespoir lorsque, 15 jours plus tard, arrivèrent de mauvaises nouvelles. Il crut devenir fou, car à sa douleur s'unit le remords. Tout était perdu, et perdu par sa faute. Comme il maudit l'impatience nostalgique qui l'avait poussé à accepter ce parti imprudent, comme il se repentit d'avoir écouté la voix de l'espérance superstitieuse qui lui avait dit « Tu réussiras ». Jamais Giulio ne fit preuve de tant de courage que lorsqu'il retrouva la force nécessaire pour se remettre au travail après le coup dont il venait d'être frappé. Plus rien ne le soutenait maintenant. Ce fut alors que ses lettres à Elisa, devenues plus rares pendant l'excitation de l'espoir, cessèrent tout à fait. Que pouvait-il écrire ? Il sentait bien qu'il fallait accomplir son devoir et lui dire la vérité, et que, n'étant plus sûr maintenant de pouvoir jamais retourner en Europe, il devait la délier de toute promesse, la prier même de l'oublier et de ne pas sacrifier sa vie à son souvenir. Mais le faire était au-dessus de ses forces. Enfin, il se décida à écrire à M. Valenti. Ce fut Mme Valenti qui répondit, en lui disant, en termes fort durs, que son devoir d'honnête homme était d'ôter toute illusion à sa fille, pour la guérir de son absurde folie et de son obstination, et qu'il ne pouvait plus attendre. Il fit ce qu'on voulait, la mort dans l'âme, et continua à travailler comme un somnambule. Quelque temps après, Madame Harris, veuve d'un général anglais tué dans un guet-apens par les cipayes, vint demeurer chez M. Orlandi, qui la connaissait depuis longtemps. Très belle, très fantasque, et à ce qu'on disait très riche, son mari lui ayant laissé une fortune considérable, elle parut d'abord accablée de douleur. Mais elle se consola bien vite et montra à Giulio une sympathie si marquée que tout le monde en parla. Elle devait passer 3 semaines chez M. Orlandi. Elle resta 6 mois et partit avec tant de regrets qu'il était facile de voir qu'elle n'eût pas mieux demandé que de rester toujours. Giulio excita d'abord l'envie, puis on finit par se moquer de lui. Dans la famille, on s'efforça de toutes les manières possibles pour le persuader à épouser la belle veuve. Comment refuser le bonheur accompagné d'une si grande fortune ? Quelle chance inespérée ! Il fut ferme, cependant, rien ne put le faire plier. Sans qu'on sût jamais de quelle manière, Madame Valenti apprit ce qui se passait à Calcutta, et racontant les choses à sa guise, elle commença par dire que Giulio était l'amant d'une lady excentrique qui demeurait dans la maison même de son oncle. Elle le répétait, comme le lecteur le sait déjà, à sa fille, soir et matin, et elle finit par lui donner la nouvelle que Giulio avait épousé la belle aventurière, comme elle ne se gênait pas de l'appeler. Puis, elle écrivit à Giulio que sa dernière lettre n'ayant pas suffi pour vaincre la folle ténacité d'Elisa, elle lui avait donné la nouvelle de son mariage en lui conseillant de le faire si ce n'était pas encore fait, et en le priant, en tout cas, de l'annoncer lui-même à Elisa. « Car, disait-elle, c'est le seul moyen de la décider à vous oublier et à se marier, comme c'est son devoir. » Giulio, désespéré, trouva cependant qu'elle avait raison et laissa croire à Elisa qu'il était marié. « Mon sournois de neveu, continua M. Orlandi, ne voulant pas s'entendre reprocher sa fidélité à une promesse dont vous l'aviez déliée et qu'il ne pouvait plus jamais espérer de réaliser, opposa une seule raison à toutes nos prières, en disant qu'il était trop fier pour épouser une femme aussi riche que Mme Harris. À moi seul, il dit la vérité, en m'assurant qu'il ne se marierait jamais, que tout lui était indifférent du moment qu'il vous avait perdu, qu'il n'aimerait que vous toujours et qu'il n'attendait plus rien de la vie. Il ajouta que l'idée d'un suicide ne lui était jamais venue, tout simplement parce qu'il ne croyait pas que l'homme eût le droit de mettre fin lui-même à son existence et que, devant vivre, il continuerait à travailler sans se plaindre, mais que c'était tout ce qu'il pouvait faire pour moi. Tandis que le vieux monsieur parlait, Elisa, tout en l'écoutant avidement, tenait souvent les yeux baissés et la tête tournée contre le jour pour cacher son émotion. Pendant un silence, et ayant retrouvé son empire sur elle-même, elle se retourna et, à travers les vitres fermées, vit le jardin, les arbres encore tout mouillés et l'horizon qui s'éclaircissait. Elle regarda les allées, la longue balustrade de la terrasse, le parterre de fleurs, et lui sembla ne plus reconnaître ce site si familier à ses yeux. « Lorsque la nouvelle de votre mariage avec le marquis d'Astorre nous arriva, j'épiai mon neveu. Je compris que c'était un coup terrible pour lui, bien qu'il eût renoncé à tout espoir. Il se maîtrisa cependant, et après quelques jours, il ne me parut pas plus triste que d'habitude. Il me dit même qu'il vous approuvait, et qu'il faisait les vœux les plus sincères pour qu'aux avantages d'une si haute position s'ajoutât le bonheur. Nous quittâmes Calcutta vers la fin de l'année passée. J'ai cédé mon établissement là-bas à mon fils aîné et je me suis fixé à Londres, où j'ai une maison de banque. Giulio, qui restera avec moi, en sera le directeur en chef et moi je vivrai à peu près retiré des affaires. J'ai assez travaillé pour mon compte. » « Et resterez-vous encore quelque temps à Florence ?»« Nous partons, dans 3 ou 4 jours. Je n'ai plus rien qui me retienne. J'ai vu mes correspondants, j'ai serré la main à quelques vieux amis. » Et puisque vous avez la bonté de me laisser tout dire, lorsque je vous quitterai, Madame la Marquise, ma mission sera terminée. Car, ajouta-t-il en baissant un peu la voix, c'est lui qui m'a prié de vous voir et de vous parler. Elisa tressaillit légèrement. Et maintenant, madame, ce qui me reste à dire est le plus difficile. Monsieur Orlandi hésitait et semblait plus embarrassé que jamais. Elisa le regardait. Elle ne pouvait plus considérer cet excellent homme comme un étranger. Il lui inspirait la confiance qu'inspire un vieil ami, et elle sentit qu'elle devait parler librement. De plus, frappée comme elle l'était parce qu'elle avait entendu, ne réussissant que par un effort intense à ne pas montrer le désarroi que ces brusques révélations mettaient dans ses sentiments, elle voulait cependant tout savoir. Il fallait donc l'encourager. « Pardonnez-moi mon trouble, » dit-elle. « Vous venez d'évoquer devant moi tous les souvenirs de ma vie, tout un passé que je n'ai jamais oublié, que je n'oublierai jamais, mais qui est enfermé au fond de mon cœur et dont je croyais devoir ne plus entendre parler, encore moins parler moi-même. Vous comprendrez facilement à quel point cela m'est difficile. De plus, vous venez de m'apprendre des choses que j'ignorais, et il est bien naturel que tout cela me trouble profondément. » « Rien ne peut changer dans ma vie, Monsieur Orlandi, ni dans mes sentiments, et les découvertes douloureuses que je pourrais faire sur les circonstances qui m'ont guidé peuvent m'émouvoir, mais ne peuvent avoir aucune influence sur moi. Elles ne seront au contraire qu'inutilement pénibles. N'importe, il faut que je sache tout. » Elle s'arrêta un instant, puis elle reprit, étonnée elle-même de pouvoir prononcer ces paroles avec tant de calme. « Vous m'avez appris ce que j'aurais dû ignorer toujours. » que j'ai été trompé et trompé par ma mère. Elle a cru bien faire. Elle a eu peut-être raison. Et en l'aidant à me persuader de son mensonge, on a cru accomplir un devoir. Toutefois, ce que vous venez me raconter tout à coup, au moment où je m'y attendais si peu, me trouble, je le répète. Mais je veux que vous me disiez tout ce que vous avez à me dire. Il le faut. Vous voyez que je vous parle sincèrement et que je vous donne l'exemple. Notre entrevue, monsieur Orlandi, est bien exceptionnelle. Mais à moi aussi, maintenant, il me semble vous connaître depuis longtemps. Parlez donc sans crainte. Merci, madame la marquise. Vous me mettez tout à fait à mon aise, et pour vous montrer que je vous obéis, je vous poserai une question bien indiscrète. Êtes-vous réellement heureuse ? Pardon, je sais que vous l'êtes, tout le monde le dit, tout le prouve, et je le vois, mais je désirerais l'entendre de votre bouche. Oui, je suis heureuse, aussi heureuse qu'il m'est possible de l'être. J'en étais sûr. Et j'en suis très content de l'entendre confirmé par vous. C'est bien assez d'un seul malheureux. Mais il y a des gens qui sont nés pour être tristes. On dirait que cela les amuse. Mon neveu est de ceux-là. Je l'aime autant que mes propres enfants, vous le savez. Mais à ce point de vue, c'est un idiot. Ayant dû renoncer à vous, il a renoncé à tout. Il est presque riche maintenant. Et comme il travaille toujours, je crois qu'il serait mort sans cela, il le sera encore plus. Mais il ne vivra jamais que dans le passé. Longtemps, j'ai espéré un changement. Maintenant, je n'espère plus rien. Je suis bien sûr qu'il ne changera jamais. Un nouveau séjour lui fera peut-être du bien. Voilà tout. Maintenant, s'il a voulu revenir à Florence, c'est uniquement parce qu'il ne cesse de penser à vous. Déjà, dans les premiers temps de votre mariage, il avait trouvé moyen d'avoir de vos nouvelles et des informations sur le marquis. Vous me permettrez de tout dire, n'est-ce pas ? Oui, vous le savez. Eh bien, on lui avait dit tout le mal possible de monsieur d'Astorre. Pendant longtemps, il vous a cru malheureuse. Plus tard, il a su la vérité. On lui a appris que votre mariage avait été, des deux côtés, un mariage d'amour. Et que si votre mari avait eu quelque tort dans le commencement, il se conduisait maintenant d'une façon exemplaire. Que vous l'aimiez et que réellement, vous aviez attrapé le gros lot à la loterie de la vie. Ayant tout, la fortune, et quelle fortune, la position, les honneurs, et le bonheur, le vrai bonheur, par-dessus le marché. Madame, on ne sait pas ce qu'il y a de bonté et d'abnégation dans le cœur de Giulio. Il était joyeux d'apprendre tout cela, car du jour où il vous a irrévocablement perdu, il n'a jamais souhaité que votre bonheur. Il s'est assuré à Florence de la vérité de tout ce qu'on lui avait dit, il a vu le marquis, et il a tout compris. On lui a confirmé ce qu'il savait, et au fond, c'est pour cela qu'il a voulu venir. Mais ce n'est pas pour cela seulement. Je viens au fait. Il y avait aussi un autre désir qui le poussait, le désir de vous revoir. À quoi bon ? Fit tristement Elisa. Laissez-moi finir, madame. Il voulait vous voir, il le voulait absolument. Il espérait au moins vous apercevoir, pouvoir vous regarder de loin. À votre insu, à la promenade, au théâtre. On lui dit que vous étiez à la campagne pour longtemps. C'est alors qu'il m'a prié, moi, de trouver un moyen de me faire présenter à vous, de venir ici, et d'avoir enfin l'entretien intime que vous venez de m'accorder. Il a voulu que moi, au moins, je vous visse et que j'entendisse de votre bouche que vous êtes heureuse. Il m'a supplié de tout observer, de lui décrire la villa que vous habitez, de lui rapporter vos moindres paroles. » Elisa fit un mouvement pour parler, mais elle s'arrêta. « Ce n'est pas tout, » continua M. Orlandi. « Il m'a chargé de vous dire enfin la vérité sur le passé. Je l'ai fait. Il m'a dit de vous exprimer les vœux sincères qu'il a toujours formés pour vous. De plus, madame, il m'a fait promettre de vous dire que sa vie tout entière vous appartenait, qu'il dépendrait de vous et qu'il vous obéirait en tout. » En quoi veut-il donc m'obéir ? En ce qu'il va faire. Doit-il rester ? Doit-il partir ? Mais, monsieur, ne m'aviez-vous pas dit que sa décision était prise de retourner à Londres ? Il y est tout disposé. Mais il veut que ce soit vous qui décidiez. Écoutez, madame la marquise, je suis loin d'avoir des idées romanesques. On n'a qu'à me regarder pour s'en convaincre. Mais je vous assure qu'en fait d'abnégation, je crois mon neveu capable de tout. Ce garçon-là, voyez-vous, c'est le dévouement incarné. C'est une nature exceptionnelle, et d'après ce qu'il a fait, on peut bien se fier à lui complètement. Il m'a donc dit, ce pauvre Giulio, qu'ayant envisagé les choses telles qu'elles se trouvent dans les circonstances présentes, il y a pour lui deux chemins bien distincts à prendre. L'un, de s'éloigner tout à fait et de se contenter de veiller de loin sur vous. L'autre, de rester à Florence, et de devenir simplement et noblement votre ami. Si vous croyez que sa présence puisse vous être utile de quelque façon que ce soit, si son amitié sincère, offerte sincèrement et sans arrière-pensée, peut ne pas vous être désagréable, il restera. Il ne vous parlera jamais du passé. Il se contentera d'une place parmi les amis peu nombreux et choisis qui vous entourent, heureux s'il peut vous rendre le moindre service. Mais il prétend que c'est à vous et non pas à lui de juger si ce projet est chimérique ou réalisable. Si vous décidez qu'il vaut mieux ne pas le voir et qu'il doit partir, il vous obéira aveuglément. Monsieur Orlandi fut interrompu par le domestique qui apportait une lettre. C'était un billet de Massimo annonçant qu'à son grand regret, il était forcé de rester encore à Florence jusqu'au surlendemain. Elisa maintenant fut presque heureuse de penser qu'après le départ de M. Orlandi, elle aurait encore de longues heures de solitude devant elle. Elle se leva, sortit un instant et revint au bout de 2 minutes. Elle s'assit, sérieuse, calme, un peu pâle. « Pardon, » dit-elle. « Je ne m'attendais certes pas à ce que vous venez de me dire. C'est donc lui qui vous a prié de venir. »« Oui, madame. »« Mais je vous en supplie, ne répondez qu'après avoir bien réfléchi. »« J'ai réfléchi. Il doit partir. »« Votre décision est irrévocable ?»« Absolument. »« Voyons, vous-même, monsieur Orlandi, ne trouvez-vous pas que j'ai raison ?»« Oui, n'est-ce pas ?» Il reprit après un instant. « Que dois-je lui dire ?» Vous lui direz que je suis profondément touchée de tout ce que j'ai appris et reconnaissante envers lui. Et s'il m'obéit, comme il vous l'a promis, s'il part, comme je l'exige, vous lui direz aussi que de mon côté je n'ai jamais oublié le passé, mais qu'il est enseveli au fond de moi. Elle s'arrêta, les yeux baissés. « Il comprendra que j'ai raison, qu'il doit partir. » Je ne crois pas qu'avoir été si longtemps fiancés l'un à l'autre, on puisse devenir de bons amis. C'est un rêve faux et plein d'impossibilités. Car, dites-le lui bien, je suis parfaitement heureuse. J'aime mon mari à qui je dois tout, et tout mon avenir lui appartient. Dites-lui aussi que cela m'afflige de le savoir toujours si triste, que je fais, du fond du cœur, des vœux pour qu'il trouve encore le bonheur. Je voudrais bien qu'il ne me sacrifiât pas toute sa vie. Ne dois-je pas parler ainsi, et n'ai-je pas raison ? Ah, qu'il dites-vous, madame la marquise ? Ils causèrent encore pendant quelque temps. Le soleil avait fait une grande trouée dans les nuages et pénétrait à flot dans la chambre, se jouant sur les cheveux blancs et sur la bonne grosse figure de monsieur Orlandi, et éclairant la pâleur d'Elisa. Mais son corps frissonnant ne se réchauffait pas sous les rayons qui égayaient les tentures rouges sombres des fenêtres et les belles peintures du plafond. Elisa accompagna son visiteur jusqu'au jardin, où sa voiture l'attendait depuis longtemps. Il avait refusé de rester à dîner. « Giulio m'attend, » avait-il répondu. Il serra chaleureusement plusieurs fois la main de la marquise et partit. Elle suivit des yeux la voiture jusqu'au tournant de l'allée, répondit une dernière fois de la tête au salut de M. Orlandi et rentra dans la maison. Elle se rassit à sa place accoutumée, les yeux tantôt fixés sur le jardin tout ruisselant des derniers rayons du soleil, tantôt rivés au fauteuil qu'on avait rapproché du sien. Elle y resta longtemps immobile, le corps renversé en arrière et la tête penchée, abîmée dans une rêverie profonde. Enfin elle se leva et se promena lentement d'un bout à l'autre du salon. Après avoir arpenté une dizaine de fois la chambre de long en large, elle s'arrêta devant son petit bureau et là, jetant un coup d'œil à la lettre commencée le matin, son regard se cloua sur ces mots « Samedi 8 avril ».